Déterminer qui va être le time captain. Le captain d'équipe en gros, donc ça va tourner entre le bleu, le vert, le... ça sera un coup l'autre. Donc qu'est-ce que je vais faire? Tac, tac. Gauche. Vert. Le vert. Tu seras le time captain. Et donc c'est toi qui va commencer. Donc pour l'instant je vais vous faire lire les trucs. Donc tu commences par lire cette carte. À haute voix ou... Ouais, à haute voix, tu lis. Une voix douce et apaisante emplit le lieu, couvrant immédiatement les petits bruits métalliques que vous aperceviez à votre entrée dans la pièce. Vous avez 42 secondes de retard. Tâchez de respecter le programme à l'avenir. Bienvenue agent, je suis Laura. Le consortium vous a jugé apte à assumer votre premier transfert. Félicitations. Les caissons de transfert sont prêts. Avant de prendre place à l'intérieur, rejoignez Bob, votre maître instructeur, et veuillez suivre ses directives. Lisez maintenant à tour de rôle, une à une et à haute voix, les cartes B à G dans l'ordre. Vas-y, remets-la. Face cachée. Ouais, face cachée. Et bien, moi, je lis la carte B. Voilà. Votre petit groupe avance dans la salle. À chaque pas, deux sentiments se mêlent. La fébrilité face à cette technologie dont vous entendez parler depuis les premiers jours de votre formation, et l'impatience. L'impatience de découvrir d'autres lieux que cette sempiternelle base. Je connaissais pas ce mot. L'impatience de voyager à travers les âges et, les galaxies. Hé les gars, c'est pas qu'on est pressé, mais presque. Vous lance Bob en guise d'accueil. Ça c'est la mienne. Votre mission, normalement réservée à des agents de classification jaune, émane du consortium et votre préférence fera office d'examen de fin de cycle. Votre note aura donc un impact sur la suite de votre carrière. Votre mission est d'empêcher la création d'une faille temporelle. Un conseil, réduisez le nombre de bagages au strict minimum. Chaque nouveau transfert coûte une blinde et minimise votre réussite. Quand tous ces clampins auront fini de jouer avec le temps, ça nous fera des vacances. Pardon. Allez, hop, dans vos caissons. Laura s'occupe du reste. De mon côté, j'ai d'autres chats à fouetter. En arrivant devant les caissons, la voix de Laura se fait plus lourde, plus sourde. Agent, prenez place. Lorsque vous serez tous prêts à partir, vous devrez utiliser la timeline pour gérer votre temps dans votre zone de transfert. Vous connaissez tout cela, mais sachez que si vous n'avez plus de temps, vous revenez ici pour procéder à un nouveau transfert. Au même endroit, au même moment. C'est le principe même du time log transfert. Moi, je prends celui-là. Vous pénétrez dans vos caissons qui s'illuminent et laissent échapper une multitude de sons aigus. La voix de Laura prend en règle tout le dessus. Vous allez transférer en 1921. Dans ce que les habitants d'alors nomment un asile psychiatrique. Nous n'avons que peu d'informations fiables sur ce qui se déroule là-bas. Mais nous sommes en mesure de confirmer la naissance possible d'une faille temporelle. Votre mission est d'empêcher sa création. Caractéristiques. Lors de cette mission, vos réceptacles auront les caractéristiques suivantes. Adresse agilité en vert. Bagou en... Ouais, ok, c'est ça. Et force de combat. Comme de coutume, tous les réceptacles ne sont pas égaux face à l'adversité. Et malheureusement, ceux que vous trouverez à l'asile de Beauregard sont un peu mal en point. Raison pour laquelle ils sont internés. Vous devrez donc vous accommoder à leur tas au mieux. Vous allez donc vous retrouver dans la peau de fou. De jambes un peu... Bah ah là. Continue. Voilà, continue de lire. Avant votre transfert, veuillez suivre les instructions ci-dessous. Placez les cartes éléments à leur place. C'est fait. Les quatre cartes plan face visible sur leur emplacement dédié. C'est les plans de l'asile. C'est le plan de l'asile. C'est où que pop les zombies? Le marqueur de groupe sur la salle de repos, votre lieu d'arrivée. On commence un peu dans le tas. Le marqueur de temps sur 25 UT. 30 si vous êtes 3 agents. Les 5 cartes mission réussies ratées sur leur emplacement dédié, passe caché. À ton numérique. Après, c'est la baston. La voix de Laura se noie peu à peu dans le bruit assourdissant des machines alentours. Votre transfert ne va pas tarder. Attention, ne ratez pas cette information de haute importance. Selon certaines sources, à prendre avec prudence, il semblerait qu'une société secrète se cache à l'intérieur du bâtiment. Les informations d'avoir lieu, pour cela, il faudra absolument localiser un dans le et sur place, vous découvrez, vous devrez pouvoir trouver de l'aide. Mais vos réceptacles n'est pas. Transfert. Choisissez chacun un réceptacle. N'oubliez pas de prendre ses points de vie. De vie que vous posez sur la carte. Gardez à portée de main la carte de résumé des icônes. Déterminez le time captain. Il ferme la base et la pose à côté du plateau. Ok, donc c'est juste le dé, ça. Ouais, ouais, c'est pour symboliser le time captain. Ok. Voilà. Puis ouvre un lieu, la salle de repos. Il le lit à la carte A à voix haute et c'est ainsi que l'aventure commence. Ok. On va donc. Hop, on quitte ça. Bon. Et donc, je vais vous donner vos personnages. Moi, je veux jouer le fou. On est tous fous. Alors, je te dis un petit peu ce qu'il y a. Hein. Tu vas se faire tout comme ton pif, mais il y a. Un mec qui a un traumatisme de guerre. Ouais. Une érotomanie. C'est quoi? Elle est allergique au Marvel ou... Non. Elle est convaincue que les gens qui s'approchent d'elle sont fous amoureux d'elle. Mais elle est convaincue que ces gens sont amoureux mais qu'ils n'osent pas l'aborder. D'accord. Voilà. Avec le temps, elle a acquis un talent pour convaincre ses interlocuteurs de succomber à son chien. Voilà, elle est un peu d'infomane, quoi. Ensuite, il y a une fille qui fait des crises d'angoisse, une vieille acariâtre, ah, ça, c'est rigolo, ça. Une cannibale, ah, ça aussi, c'est rigolo. Un mec qui fait des fabulations paralysantes, en gros, il a l'impression qu'on lui a coupé ses jambes. Voilà. Un cocaïnomane et un paranoïaque. Bah, c'est sympa tout ça, il y a tout un programme. Ouais. Alors, le thème capitaine, c'était le vert. Donc, tu vas me dire un nombre entre 1 et 8. Lats. Pour le vert, tu es cannibale. Moi, tu peux retourner? Oui, oui, tu peux regarder. Oui. Tu peux plus dire 8, du coup. Entre 1 et 7. Ouais, bah 7. Le traumatisé de guerre. Oh, je voulais pas celui-là. Alors mettez-y les petits trucs là pour les reconnaître en attendant. On peut mettre face cachée ou face visible. Mettez-les face visible. Mettez-les face visible. Okay. Comme ça vous voyez vos stats. Alors pour le bleu, l'idée entre 1 et 6. 3. Et on n'a jamais joué celle-là. Tous les autres on a déjà joué. Et entre 1 et 5. 4. Oh, mais moi je me tape que les moches et toi t'as que les madames. Et ouais. Ouais, l'ado cannibale, hein, c'est celle que j'avais jouée la première fois. Et ensuite. Ah oui, il est paranoïa violent, Félix. Ouais, alors bah, allez lisez les pouvoirs de vos personnages pour que vous soyez un petit peu au courant de vos trucs. Moi j'aime bien la description de Edith Jolibois, ouais. Cannibalisme. Miam, greu, miam, scrap, greu. Ça donne envie. Vas-y, lis à voix. Edith Jolibois toujours. Depuis sa tendre enfance, Edith pense tirer sa vitalité de la chair des autres. Donc, combat. Si c'est elle qui achève un ennemi, Edith s'empresse d'en manger un morceau et regagne un point de vie, sans pour autant pouvoir dépasser sa capacité de départ de 2. Ok, donc tu peux te régénérer en bouffant tes ennemis. Ouais. Lorsque tu les achèves. Ouais. Ensuite, donc, du coup, j'ai Marie Beth Bethole, donc érotomanie. Description. Oh, ce n'est rien, c'est juste un peu de rouge sur les lèvres. Cela vous plaît-il ? Donc, Marie est convaincue que les gens qui l'approchent sont fous amoureux d'elle, mais n'osent pas l'aborder. Avec le temps, elle a acquis un talent pour convaincre ses interlocuteurs de succomber à ses charmes. Donc, du coup, c'est un pouvoir de bagou qu'elle a. Après son jet, Marie peut transformer un dé de son choix en une réussite. Donc, un dé étoile. Très très bien. Ouais. Ok. Donc, moi j'ai Ferdinand Meunier. Traumatisme de guerre. Allez, respire ! Fais pas le con ! Respire ! Ferdinand ne supporte pas de voir mourir quelqu'un. Lorsqu'il se trouve face à un ennemi ne possédant plus que un ou deux. C'est les points de vie, c'est les points de défense. De quoi donc ? Les boucliers là ? Ouais. Ouais, c'est des, ceux des, ouais, c'est des points. D'accord. Donc, quand, lorsqu'il se trouve face à un ennemi ne possédant plus que un ou deux points, il est tétanisé et incapable d'agir. C'est pratique. Voilà. En gros, c'est un ancien militaire et donc il ne supporte plus de voir les gens succomber devant lui. Il ne peut plus tuer les gens. Non plus. Voilà, donc tu ne peux pas. C'est un sacré handicap. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que tu peux te battre, mais dès que l'adversaire arrive bas en vie, il me casse. Tu ne peux plus, voilà. C'est un autre d'achever. Non, chaque tuile, carré, rond, blanc. Chaque icône bizarre obtenue en combat. Afflige à Félix un point de stress. C'est celui-là en fait, quand tu fais le dé blanc. D'accord. Ah oui, putain, il est bien, il est chiant. Alors Félix, bon enfant, il est paranoïaque. Quoi, tu me parles ? Rien, c'est à moi que tu parles ? Donc chaque face blanche obtenue en combat inflige à Félix un point de stress. Pris sous la forme d'un jeton vert. De la réserve est posée sur cette carte. C'est vert ? Ah oui, d'accord. Lorsqu'il se cumule 3 jetons, la crise de paranoïa se déclenche. Il s'en prend alors à un agent présent sur la même case que lui et lui inflige 1. Si Félix est le seul agent présent, il s'en prend à lui-même. Voilà. En gros, à chaque fois que tu vas faire des faces blanches sur des jets de dés, il est pas content. Tu vas être stressé, et quand tu arrives à 3 de stress, tu vas taper quelqu'un qui est avec toi. S'il y a personne, tu te tapes toi. C'est pratique. C'est un peu con. Oui. Eh bien, voilà. Vous voilà donc à l'asile. Je sais plus comment il s'appelle. Beauregard. À l'asile Beauregard. L'asile d'aliénés de Beauregard. Dans la salle de repos, avec vos personnages. Ouais, tous les quatre ensemble, du coup. Oui. Dans la même pièce. Pour l'instant, vous êtes dans la même pièce. Donc, pour l'instant, vous voyez ça. Donc, le Time Captain, tu vas lire la carte A. Voilà, qui va te décrire un peu qu'est-ce que tu vois dans la pièce. Ok. tes souhaits. Vous voici dans la salle de repos dans l'asile. C'est la fin d'après-midi. La salle est calme. Un chromaphone emplit le lieu d'une douce musique. Le soleil rasant un éclair, le tout d'une lumière ombrée. Une infirmière, responsable de la salle, se tient près de la porte. Derrière elle, un homme est très concentré sur son échiquier. Au fond, profitant de la lumière des grandes fenêtres, une jeune femme peint frénétiquement. Elle vous jette un regard furtif et halluciné. Assis dans un coin de la pièce, un homme vous fait un léger signe de la main. Il a l'air plus sympa, d'ailleurs. Ok, donc maintenant, vous allez pouvoir choisir où est-ce que vous voulez aller, en plaçant vos gros pions sur la case correspondante. Voilà, sur la case correspondante. Et donc, à partir de là, moi, je vais prendre la carte et vous décrire ce qui se passe. Ok. On se concerte, on... Ah oui, c'est de la coop, hein. Alors, vous concertez... Non, en gros, on peut aller voir tout le monde, vu qu'on a 4 pions. Voilà, vous pouvez aller voir à peu près tout le monde. Avec cette carte, donc, après, à vous de voir, qu'est-ce que... Et la F, oui, la carte, elle parlait pas de la F, là. Non. Le portrait, non. Je sais que il me semble pas. Non, ne vous parlez pas du tableau qui est dans le fond. C'est louche. Donc, du coup, oui, on peut aller voir un chacun. Bah, du coup, je vais mettre... je vais voir la... Alors, attention avec le mec qui est paralysé. Ah non, mais vous l'avez pas, le mec qui a les jambes paralysées ? Non. Okay. Non. On peut pas aller voir les gens. Si vous l'avez, le mec est... Bah non, écoute, moi j'ai le... Non, on l'a pas. Mais il est où ? T'as le traumatisé de guerre, c'est pas lui ? Non, il peut pas tuer les gens, lui. Non, c'est le paranoïa qui pète un câble à chaque fois. Il tape les gens. Où est-ce que je l'ai mis ? Donc, du coup, Donc là, il n'y a pas de restriction par rapport à notre personnage. On met là où on veut. Non, vous mettez là où vous voulez. Bah, j'irais bien, Marie, avait bien voir le mec sur le fauteuil qui nous a fait signe. Le gars qui a l'air sympa. Ouais. Je vais te suivre avec Ferdinand. Après, de toute façon, oui, on peut être deux. Vous pouvez être deux sur la même case. Pas plus. Okay. Vous pouvez être autant que vous voulez sur la même case. D'accord. Ça change quoi du coup? Vaut mieux qu'on aille tous voir le même ou qu'on se sépare ou... Alors, vaut mieux se séparer parce que c'est quand même de l'exploration de deck. Il faut quand même explorer un maximum de trucs. D'accord. Et vous n'avez pas beaucoup de temps. Le temps va passer très très vite en fait. Oui, donc il vaut mieux aller voir en fait. Faut aller voir tout le monde. Chacun quoi. Vaut mieux aller voir un max de trucs, ouais. Ok, bon. Après, ça peut dépendre. Pas sur le FC. Je sais pas, il y a sûrement un truc à faire là-bas aussi. Une feuille hein, et un stylo, éventuellement. Une feuille ? Ouais, une feuille et un stylo. Il y a une trousse là. Voilà. Vous pouvez éventuellement prendre des notes. Ça peut être cool. Ah, du coup, je veux bien un stylo. Ok. Toi aussi ? Ah, moi, j'en ai pas besoin. Hein. D'accord, c'est à vous de prendre des notes. Ok, c'est bon. Vous êtes d'accord sur le truc? Il y a un intérêt du coup à aller voir le tableau, même si ça en parle pas là. Il va quand même se passer un truc. Ah oui, je ne sais pas très forcément le truc. D'accord. Il y aura un truc écrit, il va peut-être rien se passer. Oui, mais il va peut-être donner une indication. Voilà. Ah oui, il peut y avoir des trucs sympas. Donc on commence par le thème captain, donc c'est le vert. Oui. Donc, je commence par cette carte. Alors, tu t'approches de cette personne qui est en train de jouer donc à son échiquier. Et il parle un peu dans le vent, il raconte des trucs que tu, qui n'ont pas vraiment de sens forcément pour toi. Il te dit je suis pas fou, je les laisserai pas faire. Ils ont pris tous les fous. Seules les larmes de Manticore peuvent les sauver. Et tu constates qu'effectivement, sur l'échiquier, il n'y a plus de fou. D'accord. Ah bon, t'as dû te faire mal. Il faut des larmes de Manticore. Des larmes de Manticore. Seules les larmes de Manticore peuvent les sauver. Ok. Ensuite, en deuxième, on va dire que c'est le jaune. Ok. Oh. Alors tu t'approches de la jeune femme qui est en train de peindre, mais elle fait pas attention à toi. D'accord. Par contre, je vais te donner la carte pour que tu vois le tableau. Donc là, tu peux le décrire, tu peux prendre des notes et le décrire à Lydéric. En fait, il y a des formules mathématiques. Ah non, c'est des. C'est une formule chimique, genre un truc, comment ils sont accrochés les molécules et tout ça. Donc c'est écrit qu'il faut que ça, c'est au sud-est, puissance horaire. Il y a un taquet de trucs décrits dessus. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Attends, on va mettre ça. Il y a une peinture de Manticore qui prend quasiment tout le reste du tableau. Il y a une suite de plus et de moins. Donc il y a plus, plus, plus, plus, 4 en plus. Ouais. Et un moins. Et ensuite c'est encore des formules mathématiques dans tous les sens. Ok. Très bien. Et ensuite, c'est au bleu. Ah, c'est bien, vous avez fait dans l'ordre. C'est une bière interdite au moins de 18 ans. C'est bien. Ça fait 4 degrés. Alors, tu t'approches de l'homme qui t'avait fait signe sur le divan, enfin sur le canapé, du coup. Et il te dit vous savez que je sais que vous savez. Je suis celui qui sait. Je ne suis pas fou, ce sont eux qui sont fous. C'est un complot, je sais tout. Et je sais que vous allez nous sauver. Tenez, j'ai réussi à voler ceci. Et il va te donner l'élément 24. Vas-y, montre. Une clé. Sûrement pour ouvrir une porte ou un coffre. Une clé d'assez bonne facture reçue d'un patient dans la salle de repos. Ok. Et donc pour finir, le rose. Bon, il nous a pas appris grand chose quand même. Hein. Par contre, il savait tout et qu'il a une clé. Donc tu t'approches du fond de la salle, tu vois un tableau dessus d'un piano ainsi qu'un journal posé sur le piano. Ah ah. Et tu obtiens l'élément 22. Ah bien, c'est d'y aller. On va récupérer un truc. Donc le journal. Là. Donc, oh, mais c'est le siècle. C'est le journal qui était posé sur le piano. Il date de quand? Alors là, vous êtes en 1921. Oui. Vous êtes dit dans l'introduction, je crois. Ouais. Il n'y a pas marqué la date, je crois. On ne sait pas quand exactement. Mais... Ouais. Le procès Lambert, cour d'assises de la Seine. Première audience. Les préliminaires d'une cause sensationnelle. Composition de la salle d'audience. L'assistance à plusieurs audiences. Très bon de venir, ok. Les aliénés de Beauregard, donc ça c'est nous. Cela fait maintenant plus d'une semaine que 5 aliénés internés à l'asile de Beauregard sont portés disparus. Selon la police, les recherches sont en cours et la piste d'une évasion est probable. Donc en plus, il y a des évadés. Enfin, plutôt des personnes qui ont disparu. Oui, voilà, ils ont disparu. Du coup, ça rentre en résonance à ce que m'a dit le mec à la chic et comme quoi les fous, ils avaient pris les fous. Ouais. Ah ouais, mais... C'est d'enquête, hein. Il doit pouvoir enquêter. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? Je vais prendre une douche. Est-ce que du coup, on peut aller interroger l'infirmière ou là, on n'a plus d'action ici? Vous avez... maintenant, vous avez le droit... Alors normalement, s'il y avait des tests, donc des tests de force, des trucs comme ça, ou si vous voulez vous déplacer, vous allez dépenser une unité de temps. D'accord. Maintenant, vous pouvez également aller dans une autre salle. Vous pouvez également changer de salle. Pour changer de salle, vous allez lancer le dé et perdre autant d'unités de temps que ce qu'il y a sur le dé. Donc il y a une phase 1, une phase 3 et tout le reste, c'est des phases 2. Okay. Donc là, à vous de voir, qu'est-ce que vous voulez faire. Donc il y a que, on peut que se déplacer, quoi. Ah, là, il n'y a pas de, combat, de test. Donc là, les seules choses que vous pouvez faire, c'est soit vous déplacer pour aller voir l'infirmière. Soit changer de lieu. Aller voir l'infirmière, ça nous prend des unités de temps. Ça va vous prendre une unité de temps. Hein. Le reste, ça vous sert à rien d'y retourner. Oui. À part si, si toi tu vas voir l'infirmière et qu'elle dirait qu'il va aller voir le tableau, je sais pas. Ouais. Parce que oui, du coup, c'est un déplacement. Ça nous coûte une unité de temps, mais pour si on veut tous redéplacer, c'est Une unité de temps à chaque déplacement. Non, c'est voilà. Ouais. Est-ce que du coup c'est intéressant d'aller voir l'infirmière? Parce que là on part sur un truc de... Ouais, je pense que ça va nous dire plus un truc du genre tout va bien, ou bienvenue dans la salle de repos, je sais pas. Ouais. Je suis pas sûr qu'elle nous apprenne grand chose. Oui, de toute façon après on peut toujours revenir dans la salle de repos. Oui, mais bon, ça va vous faire perdre du temps. Oui, non mais si par exemple on nous dit aller voir l'infirmière ou des trucs du genre, on peut toujours revenir dans le lieu. Parce que s'il y a un complot ou un truc comme ça, je pense pas là qu'on nous dise soit aller voir l'infirmière, soit après vous avez accès à la cuisine, à l'infirmerie, la promenade et le dortoir. Est-ce que du coup on ne déplacerait pas directement au dortoir? Ou à la promenade, ou changer directement de lieu parce que, Et les autres salles, on peut pas y aller? Pour l'instant, tu les as pas débloqués. D'accord. On peut aller fouiller le dortoir, d'ailleurs, pas mal de trucs là-bas. Ouais. Dortoir ? Dortoir. Ok. Tac. Un. Vous perdez un. Et donc, tu passes Time Captain avec le jaune. Hop. Je vais ranger ça. Reprenez vos pions. Et je vais vous chercher le dortoir. Je peux la prendre déjà. Ouais, tu peux la lire. Après quelques minutes dans les couloirs de la ville, vous arrivez dans le dortoir. C'est une grande pièce bordée par deux allées de lits. Je vais prendre une gorgée de bière parce que les chiffres se passent pas. À 7h de la journée, seuls quelques lits sont occupés par des patients amorphes qui, entre quelques phrases sans queue ni tête, laissent échapper de discrets ronflements. À gauche, un malade vous interpelle depuis son lit. Au fond de la pièce, des casiers accueillent les effets personnels des malades. À droite, à travers les fenêtres, vous apercevez le grand parc du côté est, ce qui pourrait vous permettre de mieux cerner les environs du bâtiment. Donc déjà, il faut aller explorer là-bas si on veut révéler... Enfin, c'est... ça nous donne juste le paysage là. Oui, mais c'est peut-être des lieux auxquels on pourra aller après. Après, vous pourrez peut-être avoir accès à de... Dans les éléments, il y a des morceaux de cartes qui vont vous ajouter des pièces. En fait. Okay, parce qu'il n'y a pas que ces pièces-là. Donc, il faut aller les débloquer, quoi, déjà. Donc, elles ne seront peut-être pas utiles, mais... Alors, pour l'instant, vous ne pouvez pas aller là, puisqu'il faut avoir les tokens correspondants, en fait. Ok. D'accord. Oui, donc, du coup, c'est pour ça qu'on peut retourner pour... Mm. Pour l'instant, vous avez accès à ces trois-là. Bah, de toute façon, oui, on peut aller... Donc, on peut couvrir les trois sans souci, et il y en aura même un double. Ouais. À vous de voir où c'est que c'est le mieux d'être en double, en fonction de ce que vous avez comme information. Il n'y a peut-être pas besoin d'une seule ici, pour la fenêtre. Ouais. Mm-hmm. Il y en peut-être. A un qui va voir lui. Et à mon avis, deux pour voir les casiers au fond. Peut-être. Ou deux pour parler ou. On peut aller parler à deux et il y en a un qui va au fond. Ouais. Je sais pas comment il va réagir le gars, si ça va. Mais apparemment, il est amorphe, il raconte n'importe quoi. Mais... Ok, donc on commence par le jaune. Ouais. On va voir. Alors, vous vous approchez de cet homme qui est donc enchaîné à son lit. Non, il est violent. Je veux pas mourir, ils vont me tuer. J'ai rien fait, je suis pas fou. Libérez-moi, personne ne saura rien. Libérez-moi, s'il vous plaît. Lui aussi, il est fou. Et donc, si tu restes, si vous décidez de rester sur cette case, vous aurez une épreuve d'agilité. Une épreuve d'agilité plutôt facile. Après, du coup, pour essayer de le libérer, du coup. Oui. Il pourra peut-être nous donner des infos si on le libère. Ensuite, donc après le jaune, c'est le bleu. Le bleu, ici. Il regarde par la fenêtre. Alors, tu regardes par la fenêtre. Tu as une jolie vue sur le parc. Tu vois une immense serre. Et tu penses, tu vois à l'intérieur, il y a un animal. Tu clignes des yeux et tu vois plus rien. L'animal a disparu. Ça avait l'air d'un gros félin avec des ailes. Ouais, d'une manticore. Tu sais pas trop si c'était un truc vrai ou si t'as eu une hallucination. Ok, ensuite c'est le rose. Alors, tu as la possibilité de forcer les casiers. Voilà, avec une épreuve d'agilité assez compliquée. Ok, c'est le vert. Ouais. J'ai un. C'est une épreuve d'agilité qui est quand même, qui est quand même costaud. Et en fait, en fonction de ta réussite, tu pourras plus ou moins fouiller deux choses. D'accord. Donc là, il me faut... Du coup, question bête. S'il n'arrive pas à fouiller la première fois, est-ce que moi je peux me déplacer pour refaire le... Parce que du coup, moi en agilité, j'ai 2 et 2. Moi j'ai 0 et 1. Donc maintenant... De toute façon, t'es obligé avec le rose. À vous de décider. C'est pour ça. Heureusement que c'est pas l'autre. Quoi. Alors, soit vous restez là où vous êtes pour essayer de passer vos épreuves d'agilité avec cela. Ou on dépense un point et... Ou vous pouvez dépasser, ou vous pouvez vous déplacer. Gratuitement ou on dépense en unité? Alors, une unité. Voilà, on utilise une unité. Bah, de toute façon, vu que là, j'ai découvert pour le dortoir, avec un le bleu, avec Marie, je peux aller l'aider à crocheter, vu que j'ai 2. Et là, on peut laisser les 2, parce que du coup, ça va nous faire 2 avec Edith. Et là, ouais. Là, c'est une épreuve d'agilité facile. Oui, donc dans tous les cas, j'ai 2 et 2 moi. Donc, compliqué, mais voilà. C'est mais du coup, sur l'agilité compliquée, on peut le faire à 2. Ou c'est individuellement. Ah oui, non. Vous pouvez, oui, donc du coup, vaut mieux être à 3 ici et 2. Ouais. Donc viens m'aider. En gros, les épreuves, moi je vais vous mettre des petits boucliers comme ça. Ouais. Chaque réussite, chaque étoile pète un bouclier. Une étoile, ça pète 2 boucliers. Ok. Voilà. Okay, et donc oui. Sur le même tour, il y en a un qui va péter un bouclier, puis un autre qui va jouer, péter d'autres boucliers. Voilà. Ok, bah du coup, oui, je déplace Marie. Et si l'autre qui pète un câble, là, on sera assez de 2 pour lui péter la gueule aussi. Ouais. Donc du coup, j'avance de 1 l'unité de temps. Ouais, donc toi, attends. J'ai déplacé de là à là. On va jouer dans l'ordre. Dans l'ordre, ça va être le jaune. Il reste là. Il reste là pour passer l'épreuve. Ouais. Ok, donc je vérifie. Ok. Hop. Faut pas faire de crâne, hein, donc. Le crâne, c'est pas cool. Mais on a beaucoup bordé. Alors, en gros, tu as des boucliers qui te protègent. Ça, c'est tes PV. Ouais. Ça, c'est ta défense. Ok. Ok. Ça, c'est le nombre de crânes que tu peux encaisser. Mm-hmm. Donc, en gros, si tu fais 4 crânes, tu prends rien. Si tu fais 5 crânes, tu vas perdre un PV. D'accord. Voilà. Donc voilà, c'est une épreuve très facile, c'est de ce côté d'ailleurs, avec 2 boucliers tout con. Donc il faut lancer tous les dés. Tu lances, t'as combien en agilité? 0. Ah bah alors tu lances 0 dés. D'accord, alors je rate. Donc voilà, donc, donc c'est au bleu. Au bleu, donc du coup le bleu se déplace. Ok, donc ça passe au rose. Le rose, il a un dé pour essayer de... Du coup, je peux que me déplacer, je vais devoir attendre l'autre tour, donc perdre encore une unité. Ouais. Ok. Donc le rose, il reste là. Ouais. Tu veux essayer de forcer les casiers? Bah ouais. Ok. C'est un casier costaud. Hein. Bon, en gros, même si je fais un crâne, ça va pas me faire mal. Non, voilà. Salope. Consomme le bouclier ou on le garde? Non, tu le gardes. Ouais, alors c'est 5, mais c'est en fonction du moment où vous décidez de vous arrêter. S'il reste tant de boucliers, vous allez avoir droit à tant de choses. Voilà. Donc du moment qu'on en pète un, on a accès à des infos, quoi. Enfin, un certain nombre. Ça dépend. Oui. D'accord. Oui, mais en fait, on va en péter 2-3. Bon, bah, moi, en gros, si quand vous décidez de vous arrêter, il reste 2 boucliers, vous aurez droit à... un élément, s'il reste un bouclier, vous aurez droit à 2 éléments. Si vous pétez tous les boucliers, vous aurez droit à 3 éléments. Ok. Ceux-là, ils sont mieux donnés. On va faire ton test. donc, du coup, c'est au vert. Donc là, ça passe au. Donc, t'as fait ton test? Ouais, j'ai fait un crâne. Ok. Au vert. Donc, du coup, je vais faire la gilet. T'as le droit de faire un G. Ouais. Donc, du coup, c'est un dé par la valeur, ça? Un dé pour, ouais. Bim, 0. J'ai un blanc et une crâne. Ok, 0. Donc qu'est-ce que vous décidez maintenant? De toute façon, il y a le bleu encore. Le bleu, non, il s'est déplacé. Ah. Donc du coup, je vais tenter de... faut rester, dans tous les cas. Vous restez là, vous continuez de faire vos tests? Ouais, on peut retenter un tour. Hein. On fait un tour et puis après, tant pis, on partira si on n'y arrive pas. Ok, donc vous perdez un temps. Hop. Et c'est parti, donc le jaune il a 0. Ouais, on peut toujours rien faire. Ça aurait pas valu le coup qu'il vienne ici pour regarder par la fenêtre, non? Il aurait rien vu de plus. T'aurais rien vu. J'aurais revu la manticore. Ouais, je t'aurais dit la même chose. Ok. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'une personne va à la fenêtre, il y a la manticore à l'appareil. En fait, c'est comme En fait, il en faut un qui reste. Les guirlandes, ting ting ting. Il en faut un qui reste à la fenêtre et qui cligne des yeux et l'autre qui va à la serre. Un coup sur deux. Assez chiant, ton perso, pour l'instant il n'y a que des épreuves d'agilité. Ouais. Donc du coup, c'est au vert. Après, il a 3 de bagou, 2 de bagou et 3 de tapé. Donc ça passe au bleu. Après le jaune, bleu, rouge, on va faire comme ça. Okay. Donc le bleu. Le bleu, donc du coup, je lance encore 2 dés. Ouais. Tu lances 2 dés. Bim! Raté. T'absorbes les 2, ça te fait rien. Ouais, ok. Le rose. Le rose, il a 1 dé. Ouais. Une réussite. Hein. Hop, on enlève le pied. Et donc le vert coup pour libérer lui. Ah oui. Il faut faire 2 dés. Il faut faire 2 boucliers. Rien du tout. Bon, il va rester là, le gars. Alors, qu'est-ce que vous décidez de faire? Un bouclier, on n'a rien. Un bouclier, on n'avait rien, ça. Là, avec les 4 boucliers restants, non, vous avez rien du tout. Bah, on. On va dire on essaye une dernière fois. Pour avoir au moins un truc, il faut qu'il reste que deux boucliers. Oui, donc faut faire encore deux. Ah, faut au moins deux boucliers. Ah, il faut qu'il reste deux boucliers pour avoir un truc. Bah 3D, ça va. Moi je dirais on peut en tester une dernière fois. Ouais, bah s'il est si dur à forcer, il doit y avoir un truc bien dedans. Une bonne info. Ouais. Après on sait pas. Mais... Ça se trouve c'est juste bien parce que voilà, c'est bien. Après, si vous pétez tout, il y a trois éléments à récupérer. Si vous pétez pas tout, vous en aurez un ou deux, mais on sait pas lesquels. Sur les trois. Ouais. Oui. Oui, donc ouais. Moi je dirais faut rester une dernière fois et si vraiment on n'y arrive pas, on change de lieu, on ira soit dehors, soit à la promenade. Ouais, bon, la dernière alors. Allez, on va garder un temps et c'est reparti. Donc le jaune il sert à rien. Voilà. Rien. Le bleu. Coup, le bleu. 2D. Sans voilà. 2D. Ah. Ouh. Tempête 2. Il en reste 2. Il en reste 2. Ok. Donc là on a forcément un indice. Ça aurait forcément un indice. Si on donc moi il me faut un dé pour essayer de libérer le gars. Non. Et le vert. Et le vert. Toujours pour libérer le mec. Tiens. Ah. Ok. Ok. Qu'est-ce que et vous du faites coup le rose. Non mais le rose. Ah oui non. Là, mais il a fait là. Il va faire un crâne. Bah du coup là on a un indice mais on n'a pas délivré le mec. Non lui il est toujours attaché. Tant pis pour lui. Hein. Tant pis ouais on a au moins un indice. Ok. Donc je vérifie. Hop. C'est qui le premier à jouer, donc c'est le bleu. Tu deviens premier joueur ? Non, c'est parce que c'est le premier à jouer qui est sur les dortoirs, donc tu vas choisir un des trois. Tu choisis bien. Hein. Attends, je regarde. Ouais, une ventouse. Une ventouse pour déboucher les toilettes. Donc en gros, on a eu les trucs les plus pourris. Oui. Ouais, bah toi, les chances au dé. Bah, du coup, on bouge. On change de lieu. Ouais. On peut aller voir la promenade. Promenade, la cuisine et l'infirmerie que vous avez pas vu. Donc là, on a vu qu'il y avait une serre avec une grosse bastiole dedans. Ouais, une serre quelque part par là. Donc, du coup, on peut quand même aller dehors là, se dire. Vous pouvez aller sur la promenade. Ah, sur la promenade. Bah, comment on les récupère les trucs pour sortir ? Il faudra revenir après, je pense, en gagnant. D'accord. Moi j'ai du coup. Il y a certains personnages qui te donnent un token et qui font que. Ouais. Ou il y a des trucs qui vont te donner des tokens. Ou sinon, on reste et puis on essaie de délivrer. Puis dans tous les cas, il nous reste un truc à péter. Donc, est-ce qu'on tente ou est-ce qu'on s'en va ? Tu veux tenter pour qu'on finisse le lieu à fond et on... Ouais, bah. Oui, on a qu'un indice et un indice. Ouais, on a le truc tout merdique. Ça, il en reste deux boucliers, faut pas qu'on le chie quand même. Ouais. On a 3D pour faire deux. Donc c'est comme tu veux, sinon on s'en va. Mais Bon, on peut le tenter. Hein. De toute façon. De toute façon, c'est le but du jeu, hein. C'est l'exploration de deck. Hein. Donc la première partie, forcément tu fais pas grand chose. Hein. Nous on n'avait pas fait grand chose non plus. Hein. Allez, hop, bon tour, j'ai avancé. Donc le bleu. Le jaune. Le jaune. Mais le jaune il sert à rien. Le jaune il va. Le bleu. Allez, je compte sur des dés. Non. Le rose, il a un dé. Si tu fais une double étoile, non. Et donc, le vert. Est-ce que tu vas arriver à libérer le monsieur ? Ok. Bon, définitivement, on s'en va. Ouais, tant pis pour l'orgueil. Vous allez où ? La promenade. Ouais. Je vote pour. Donc du coup, il faut lancer. Donc tu. Non, c'est Guillaume. C'est le Guillaume qui lance. Ouais, c'est Guillaume le jeune, c'est Guillaume le time captain. Deux. Un des deux. J'avais déjà descendu de 1, donc on est à 18. Donc ça fait 18. Hop. Tac. Merci. Oh, les mauvais. Moi, je me suis acharné pendant deux parties à essayer de le libérer, le mec sur le lit. Ah ouais. Ouais, mais alors qu'il a que deux alors boucliers. Alors que j'avais la cannibale. Ah oui, ouais, donc. Et j'arrivais pas. Hein. Ils sont où les pringles ? Ils sont là. Pour un truc. Donc, c'est quoi qu'il y a une captain qui va pouvoir aller dans ça déjà. Hop. Ça a l'air joyeux ici. Oula. Ça n'a pas l'air énervé du tout, ça. Non. Un peu d'air frais. Malgré un soleil éclatant, le vent vous cingle, le visage et le froid vous glace les os. La cour est entourée par des murs suffisamment hauts pour écarter tout de votre esprit, pour écarter de votre esprit toutes les idées d'évasion. Sur votre gauche, sur un petit carré de pelouse spécialement arrangé, trois personnes semblent avoir terminé une partie de croquet. Au fond, un grand portail gardé par deux surveillants laisse entrevoir le parc et ses allées bordées d'arbres. Sur votre droite, près du mur, un patient en smoking tourne sur lui-même et improvise une petite chorégraphie. Ok. Ceux-là, ils ont l'air vénères. Faut y aller à plusieurs. Donc, à mon avis, là, ça va être des épreuves de bagou sur peut-être eux. De toute façon, toi, t'as 3 de bagou. Peut-être sur eux deux. Et on en a 2 à 2. J'ai, ouais, 3 et 2, et toi, t'as 2. Non, ceux-là, ils ont l'air vénères, donc j'ai on mettrait bien déjà lui, parce que comme ça, s'il faut taper, il peut taper. S'il faut bagou, il peut bagou. Ouais. Allez. Moi, du coup, je mettrais bien Marie, qui a plus de bagou sur les surveillants. S'il faut taper, on peut mettre un deuxième là. Hein. Ouais, mais ton jaune il tape pas. Ah, si, il a trois. Les deux, il tape. Il a pas d'agilité, mais il a de la force. Hein. Et, ouais, et donc il en faut un dernier avec un peu de bagou qui peut taper. Ouais, mais hein. Du coup, si le bleu se fait taper, j'ai que un de force. Par les gardes. Ouais. Ouais, ils vont pas la taper les gardes. Ils vont leur dire de mais faire après, demi-tour à la limite, mais ils vont pas te foutre sur la gueule direct. Ça dépend s'il y a des épreuves derrière et que je me chie, je sais pas. Mais tu pourras bouger de toute façon avant de passer aux épreuves. Tu pourras partir. Oui, oui, t'es pas obligé de passer. Ah, ok. Tu peux te déplacer. C'est soit tu te déplaces, soit tu passes l'épreuve. Bah, on peut tester sur Edit sur l'autre. Ouais, on voit tout le monde. Et puis après, on verra si. On verra comment si on bouge. On... Ouais. C'est bon? Ouais. Ouais. Les gars, le bleu en premier. Alors, tu peux voir qu'il y a les allées du parc. Ouais. Au travers de la grille. Hein. La porte est fermée à clé. Ouais. Et les deux gardes te regardent un petit peu avec méfiance en se disant mais qu'est-ce que tu vas faire ici. Mais tu peux peut-être essayer de les persuader. Ah. Parce qu'en plus on a une clé, on sait pas ce qu'elle ouvre, mais on a une clé. Ou avec une clé, mais c'est pas celle que t'as. Ah, pas de bol. Et le débouche-chiottes, on peut pas. Non, il n'y a pas de numéro, donc ça veut dire que c'est pas. Ah non, pardon. Il faut avoir la clé et persuader les gardes pour pouvoir passer. Oui, c'est toi qui en as sorti, tu as tout laissé ici. Avec une... Non, moi j'en ai sorti, je les ai embarqués. Oui, c'est ça. Bah, j'y vais. C'est à toi. Donc, pour persuader les gardes, c'est une épreuve de bagou. Et elle est très compliquée. Ok, donc. déjà, t'as 3D, mais je prends un. Mais il faut une clé que vous n'avez pas. Ah. Oui, en donc, plus. Dans tous les cas, oui, donc si on revient ici, il faudra repasser de l'épreuve de bagou. Oui, ça sert à rien que tu passes les premiers bagou là, tant que t'as pas la clé. Hein. Ok. Oui, donc ça sert à rien. Donc Rose ensuite. Alors. Tu t'approches des trois mecs qui viennent de finir leur partie de croquet. Et ils te font hey, venez jouer avec nous, ça vous dit une partie? Ah, ça va être de l'agilité. Donc, ouais, ce sera une épreuve d'agilité moyenne. Ah, bon, avec un, il suffit que tu fasses un 2, quoi. Ensuite, le vert. Alors, tu t'approches de l'homme qui est en train de danser et qui te dit « Chut, c'est pas la pleine lune. Je suis avec vous. Je suis un agent infiltré. » C'est le deuxième à nous dire ça. J'ai trouvé un moyen pour activer une faille. Mais j'ai perdu l'artefact nécessaire. Si vous le trouvez, revenez me voir. Non, il y a un jour de passage secret. Il nous demande un artefact. Et après, en fait, il nous donnera accès à un autre lieu là-bas. Si on lui ramène le bon objet. Ouais, et tu l'as l'artefact. Tu possèdes son artefact. Ah, c'est la ventouse. C'était la ventouse. Ok. Donc du coup, tu obtiens le token que je t'ai donné. Ok, donc du coup, ça va mourir, ça. Mais il faut que je me déplace après. Ouais, tu peux y aller. Ok. Tu as la possibilité de te déplacer. Tu vois, finalement... C'est pas utile que dans les savais pas que c'était la ventouse au moins qui voulait. Je suis jamais allé le voir. Quand on y a joué, nous, c'est Jérémy qui était allé le voir et il nous avait pas dit l'élément qu'il fallait. Il nous avait juste dit, bon, ben on n'a pas l'élément qu'il faut et du coup, je savais pas du tout que c'était la ventouse. Je pensais qu'elle était complètement inutile. Et je sais pas du tout ce qu'il y a là. Ah, ça, c'est cool. Et donc, c'est fini. Vous avez tous joué. Ouais, il y a le jaune, mais le jaune, il est au même endroit que le rose. Voilà. Donc, épreuve de bagou moyenne. Non, agilité moyenne, pardon. Donc là, les deux, c'est pas égalé. Donc de toute façon... Donc maintenant, qu'est-ce que vous faites? Moi, je dis le vert, le bleu va ici. Ouais. C'est agilité 2. Non, c'est le bleu qui doit aller sur le nouveau lieu. Mais le vert, c'est pareil. Le vert peut aller là. Ah, attends, ça, en fait, c'est commun à tout le monde. Ok. D'accord, c'est pas attaché à un perso, on peut tous y aller là-bas. Voilà, on peut tous y aller. D'accord. Les objets sont attachés au perso, mais les tokens, ils sont pas. Écoute, moi, Ferdinand, il n'y a que de l'agilité encore, donc il peut venir explorer là. Il manquera pas pour une épreuve d'agilité ou autre. Oui, il a pas d'agilité, tu veux dire. C'est-à-dire, il a que de l'agilité. Non, l'inverse. Il manque que de. Oui, donc du coup, lui, il va rien servir. Ouais. Moi, Marie, je peux la faire déplacer. Parce que là, c'était que l'agilité. Donc, dans tous les cas, autant agilité. Que je déplace. Et là, c'est Bagou, mais vous avez pas l'item qu'il faut. Hein, donc... Et c'est elle qui a le plus de Bagou, donc autant la mettre là. Et tu peux venir avec moi, ouais. Attends, c'est agilité, donc du coup, on est à 3. Ou alors, moi j'y vais avec moi et toi tu viens ici et vous êtes à 4 d'agilité et on inverse les deux. Là. Ouais. Oui, parce qu'après je suis pas non plus. Là vous avez tous bougé du coup. Hein. Ouais, ouais, ouais. On est d'accord. Et du coup, oui. Vous perdez un de temps. Ouais. Par contre, vous avez droit à ça. Donc c'est deux persos. Ouais. Excellent. Ah. Excellent. Excellent. Alors. Non, c'est bon, merci. Ah ouais, je te pique le dernier, t'en veux plus du coup. Je t'ai dégoûté des poules, ouais, c'est ça. Non, tu m'as vexé, mais je vais venir te foutre sur la gueule. J'allais pisser sur ta paillasse. Alors, il vous fait venir près de lui, dans un coin un peu isolé de la promenade. Mm-hmm. Et il s'arrête à côté d'un cercle tracé sur le sol. Mon dieu. Alors là, c'est un sorcier. On place l'artefact au centre, puis on fait le pas de la lune. Allez, tous ensemble. Maintenant, on attend. Donc, vous avez la possibilité de dépenser 5 unités de temps pour révéler immédiatement cette carte. D'accord. Donc là, c'est un choix à faire tout de suite. Ouais, ça va faire tout de suite. Est-ce que vous décidez de dépenser 5 unités de temps, donc c'est à 12 ans, pour révéler cette carte? J'aurais dû dire oui. De toute façon, le scénario, on va pas le finir. Alors. Non, faudra refaire ma partie pour. Oui, il te faut 3 parties. Donc oui. Bah, du coup, oui, on va y aller, on va dévoiler plus de trucs. Hein. C'est un truc merdique. Il se passe rien. D'accord. Je te lis la carte, parce que c'est marrant quand même. En même temps, avec un balai à shot. Hein. Bien des tours de ventouse plus tard, vous avez sacrément mal au mollet. C'est génial. Donc, pourquoi j'ai commencé par eux d'ailleurs? C'était le bleu. Oui. Ah, c'était le bleu le premier en plus. Mmh. Okay. Mais du coup, vous avez dépensé un truc pour vous déplacer déjà. Hein, oui. Donc, c'est oui. Donc, tu veux passer l'épreuve maintenant, c'est ça? Ouais. Oui, oui. Ok, donc c'était. On a le droit de foutre sur la gueule au gars ou pas? Après, j'envoie Edith et je le bouffe. C'est 4 boucliers. Du coup, est-ce que vu que mes deux persos sont sur la case, je peux lancer directement les 4 dés? Bah, tu lances d'abord les dés pour un personnage, ensuite les dés pour un autre personnage. Donc, du coup, Marie. Donc, je lance d'abord pour celui-là, donc ça fait 3. Boum, la duchesse d'Aquitaine. Allez, avec 2 dés, il faut faire 1. Ouh ben voilà. Succès. Premier coup. On a pas besoin de rester dedans, on a perdu assez de temps comme ça. Bon, le soir, hein, la prochaine fois, on retourne par le vent. Et donc, on révèle immédiatement cette carte. Alors t'as écrasé tes adversaires sur cette partie et ils sont pas très très contents du coup. Je propose ou pas? On a sauté ou pas? Non, vous avez pas sauté. D'accord. C'était juste pour révéler directement. Il est pas très très content et il envoie son maillet dans la tête, en pleine dans la tête de son voisin. Et quelques secondes plus tard, c'est la bagarre générale. La bagarre. Et donc tu as le droit à un nouvel élément. Donc t'as réussi avec lequel du coup? Avec le vert, puisque c'est le bleu qui jouait avant. Oui, mais j'ai fait 3 avec le bleu et le dernier avec le vert. Donc le vert, vous gagnez. Ouais! Un maillet de croquet récupéré au sol lors de la mêlée de la cour de la promenade. Lors d'un... Dans un jet de combat, le détenteur du maillet peut lancer un dé supplémentaire. Laissez cette carte sous votre précepte. Mets-le. Ouais. Comme ça. Voilà. Donc tu as plus 1 sur les sorts de force, c'est ça? Ouais. Voilà. C'est pas mal. Il est pas mal le maillet. Je l'avais récupéré aussi pareil avec. T'as eu une arme? Avec la cannibale. Ouais. Il a eu un maillet qui fait plus 1 de force. Sympa. Ok. Est-ce que du coup, le maillet, on peut échanger les objets entre personnages ou c'est... Alors tu peux les échanger si tu es sur la même case ou au moment où vous allez changer de lieu, en fait vous êtes tous regroupés donc vous allez pouvoir changer les objets. D'accord. Là du coup, vu qu'on a tout fait et, si on a et tout qu'on vu. Peut pas faire ça pour l'instant... Vous n'avez pas la clé requise. Bah, il reste à l'infirmerie ou la cuisine, on retourne au dortoir. Salle de repos, je pense qu'on n'a pas parlé à l'infirmière quand même. Ouais, bah pour l'instant on va pas trop l'utiliser, donc soit l'infirmerie. Ouais, c'est joyeux les infirmeries. Oui. Marie, le dé. Vas-y. Lance le dé. Ouh. 9. Et donc ça passe sur le rose. Félix. Hop, reprenez vos pions. Et oui. T'es les miens. Chut. Calme-toi, Alice. Ça descend vite, le temps, hein. Ouais, on aura le temps d'en faire une deuxième. Ouais, la deuxième, déjà, tu sais où il faut aller, où il faut pas aller. Ceux-là, on garde toutes les cartes qu'on a, on les garde. Pour la deuxième partie? Ouais. Non, vous allez garder seulement celles qui ont un petit logo bleu dessus, que vous n'avez pas. Donc d'accord. Vous allez tout balancer. Donc notre clé, pour l'instant, on va la perdre. Ouais. Oui, mais bon, elle est pas compliquée à aller chercher, il faut aller tourner juste un mec. On sera dans une retour de base. Vous traversez le couloir principal de l'asile. Vous ouvrez une porte massive surplombée d'un écriteau. Infirmerie, Anxiety aux hystériques et aux agités. Derrière la porte, une grande pièce accueille quelques lits, des patients sont allongés. C'est tout? Après, il y a tout le descriptif. Au chevet de l'un d'entre eux, une aide-soignante s'administre des soins sous l'œil attentif de Joséphine, l'infirmière croisée précédemment dans la salle de repos. Ah, bah tiens, elle est là, Joséphine. Juste en face de vous, un infirmier vous porte une attention toute particulière, dès votre entrée, et vous adresse un large sourire. Sans doute une invitation au dialogue. Sur la droite, une grande armoire remplie de préparations en tout genre attire votre attention. Ok. Faudra que j'aille avec nous pour la suivante. Qu'est-ce que vous faites? Alors vous pouvez échanger les items si vous voulez échanger le maillet. Si vous en restez, c'est il y a 3-3 et là du coup je suis à 3 et là 1. Donc okay. Bon, je vais le laisser sur la cannibale. Alors, où est-ce que vous voulez aller? Il y a 4 trucs, vous avez 4 trucs. Bah, de toute façon, on va faire un chacun. Après... L'armoire, ça va sûrement être de l'agilité encore. Ouais, là, à mon avis, ça va être du bagou. Donc, du coup, je vais y mettre Marie. Je vais voir l'infirmière qu'on n'a pas été voir en premier. Et puis, je vais voir celui qui est malade. Là, ici. C'est le rose en premier. Alors, tu t'approches donc de Joséphine. Moi, je garde. Ouais, l'aide-soignante vous parle doucement en vous faisant un petit coup d'œil. Elle t'a dit, je peux pas vous parler ici. Si vous voulez en savoir plus, rejoignez-moi plus tard au dortoir, je vous y attendrai. Ah ben, il va falloir retourner au dortoir. C'est cool, on aurait pu aller la vue pareil quand même. Ah non, c'est pas ça. Ça, c'est l'aide-soignante, c'est pas l'infirmière. C'est pas l'infirmière de la, de la salle de repos. Mais du coup, si on revient au dortoir, on n'aura pas le même. Ah non, c'est les dortoirs. On va avoir un élément en plus. On va retourner un week-end, donc vous avez... il, y aura une... il y a une carte qui demande en plus. Ok. Dortoir. Donc ensuite, c'est le vert. Le vert, ouais. Alors, tu possèdes l'élément 24. Oui. Ah. Tu as le droit à l'élément 7. Ah, ça, ça tombe bien alors. C'est le bon perso qui y va en plus. Quelqu'un veut une glace ou quoi? Moi, je veux bien une bière ou un poire. Moi, c'est bon, merci. Je reste à l'endroit ici. Quoi comme bière? La même, s'il en reste là. Je les ai mises au frigo tout à l'heure, alors elles seront un peu moins fraîches. Mais... Okay. Ah ça on le garde. On le garde et ça c'est quoi? Un nécessaire à injection. Un nécessaire à injection est une une fiole contenant 3 doses de cocaïne. D'accord. Permet de regarder de regagner 3 cœurs. Poser 3 cibles sur cette carte, défausser 1 pour gagner un cœur. Cette cocaïne peut aussi vous être utilisée par Basile. C'est un des personnages, c'est le cocaïnomane. Ok. En gros il peut se faire des injections pour regagner des PV. Ok. Donc ça c'est un truc qu'on garde. Non, c'est pas ça l'icône bleue. Non, c'est un truc à part. Ça. Non, non, ça en gros c'est pour parce que vous avez 3 doses de cocaïne en fait. Ah oui d'accord, non. En fait c'est qu'il a de la cocaïne sur lui, il peut en utiliser de temps en temps, et à partir du moment où il a plus de cocaïne, il a un malus ou un truc comme ça. C'est la con comme ça. Ok, donc j'ai fait le rose, j'ai fait le vert, ouais, le jaune. Le jaune. Ah, encore vous. Je viens de croiser le docteur Hyacinthe. Il m'a rappelé qu'il y avait une consultation avec un petit groupe aujourd'hui. Son cabinet n'est pas très loin et vous connaissez le chemin. Allez-y quand vous voulez. Du coup, c'est le docteur qui qu'il faut aller voir. Hyacinthe. Ah. Donc c'est ça le petit symbole qui dit que vous allez garder cette carte. Pour d'accord. Le cabinet de Hyacinthe. Vous avez débloqué le cabinet du docteur Hyacinthe. Ok, mais donc de toute façon, on va y aller. Donc okay. On a, il faut retourner au dortoir aussi. Et donc il reste un... Il reste du coup le bleu. Si vous avez la ventouse. Reperdez 5. Alors c'est qui ton perso qui est dessus? Marie. C'est dommage pour toi. Ah. Hop là. Oula, il a retourné la carte. Ouais. Le docteur t'attire dans un petit coin et il commence à te faire des avances. Eh bien, j'avais pas fait son... Ah non, c'est son pouvoir de Babou. Il va falloir donc passer une épreuve de Babou pour se défaire de son étreinte. Et tu ne peux pas partir tant que tu n'as pas fini l'épreuve. Ok. D'accord. Ok, oui, donc à chaque fois, ça va faire perdre. Il y a, voilà, il y a un petit cadenas rouge. Hein. Le petit cadenas rouge, ça veut dire tant que vous n'avez pas fini l'épreuve, vous pouvez pas bouger. Bah, laisse-toi faire, au pire, comme ça, il y en a pour 2 minutes et... Et puis on se casse. Maintenant, de toute façon, il faut le faire. T'as pas le choix. T'es obligé. Oui. C'est pour ça que c'est con, parce qu'en fait, c'est. C'est parce que t'es une femme. Ah. Ouais, mais du coup, c'est lui qui a le plus de bagou aussi. Donc, Ouais. Donc, c'est 4 en bagou. Ouais, mais c'est limite, même si elle a suivi des avances, ça va plus se laisser faire. Elle, que, C'est vrai, mais bon, c'est comme ça. Donc là, du coup, je suis obligé de lancer ou c'est. Là, c'est la phase où on perd une unité de temps parce qu'on peut se déplacer. Là, vous allez perdre une unité de temps pour vous déplacer et faire ton truc. De toute façon, là, je suis obligé de faire mon truc. Si on a, non, toi, aller voir ailleurs déjà. Ah non, vous pouvez pas changer de. Tant que lui, il est bloqué, vous pouvez pas changer de pièce. D'accord. Bah, du coup. Donc là, tout ce que vous pouvez faire, c'est. Bah, vas-y, lance tes dés. Mais du coup, question conne. Est-ce que un mec peut venir pour récupérer d'autres informations en attendant? Il se passe rien si c'est un mec. Hein. Si c'est un mec, je repose la carte. D'accord. Non, mais si c'est un mec en plus de la fille. Si ah, non, s'il y a au moins une fille sur la case, elle se fait choper. Ouais. Ok. On peut pas venir t'aider quoi. Oui. Non, mais moi je pensais s'il y avait une autre action, si c'était un mec, peut-être qu'il aurait donné des informations. Par contre, peut-être qu'il est possible de faire. C'est pas précisé que vous pouvez pas venir l'aider par contre. Hein. Je pense que. Donc, si par exemple, moi là j'ai 2, je viens, on lance 2 dés. Le truc, c'est que. De toute façon, c'est toujours le personnage qui fait l'action. Donc, même si on est 3 ou 4, c'est toujours sur un personnage. Je sais pas. Parce qu'à chaque fois, quand on fait les épreuves, tout le monde lance les dés. Oui, mais c'est le. Mais là, je sais pas, c'est un peu particulier vu qu'ils te connaissent toi. Bon. Ouais. Ouais, vas-y. Donc, 3. Et après, je peux transformer un dé de mon choix par une réussite aussi, du coup. Le dé de ton choix. Ok. Parce que ça, du coup, j'ai pas fait avant, mais. Pas eu de problème. Ok, donc tu changes ça, c'est 3 réussites. Pas mal. Mais je suis obligé, du coup, c'est tout. Ah, c'est tout, hein. Il faut tout enlever. Ouais, donc là, vous êtes obligé de reperdre un temps. Donc là, je vais forcément partir. Ouais. Non, bah, je vais pas. T'aurais fait ça du premier coup. Ouais, mais bon. Regarde si ça passe quelque chose. Non, il faut juste réussir les points pour quitter cette carte. Donc okay. Tu peux t'en aller. Bah, bon, on se casse. Alors, on va au dortoir ou au cabinet? Parce que l'autre, elle a dit qu'elle avait un truc à nous dire au dortoir. Et la cuisine aussi. La cuisine, on n'a pas fait. Le cabinet, vous retournez voir l'aide-soignante dans le dortoir. Moi, je suis bien partant pour retourner au dortoir. Et du coup, les casiers sont réparés, le gars est rattaché. Ouais, il faudra recommencer à zéro les épreuves. Mais elle va peut-être nous donner des trucs au dortoir, casier, ouais. Ou autre. Je vote pour le dortoir. Allez. Le dé. Moi, je fais 3 à chaque fois. Arrêtez de faire 3, monsieur. Bah non, mais bientôt. Donc, faut recommencer. Mmh. Oui. C'était qui? C'était le roi Félix. Donc, du coup, au vert. Oui, puis le. Oui. Alors, le dortoir, il était où? Je ne vais pas vous faire relire ça, hein. Ouais. Pas besoin. C'est ce qu'il y a. On peut commencer à me placer déjà, si vous voulez. Le bleu? L'autre là-bas. Ah, Est en train de tomber. On peut retenter de libérer lui. C'est facile, il n'y avait que deux. Mais ouais, mais du coup, c'est en deuxième fois. Là, on ne peut pas directement passer l'épreuve de libération. Non, il faut se mettre dessus et après à la fin on pourra le libérer. Et il faut aller voir la. Il faut faire perdre un temps pour le libérer. Oui, donc autant aller. C'est là. Là, pardon. Parce que là, non, on ne sait pas. On va pas tous y aller. Mais oui, mais du coup, si on y va, on va perdre encore un temps alors qu'on n'en a peut-être pas forcément besoin ici. Ouais, faut voir ce qu'il peut nous donner aussi. S'il peut nous donner un indice ou un truc pour la deuxième partie. Oui. Oui, mais c'est comme après les indices d'ici, quoi. C'est pas... Voilà. Mais lui, il était simple, il n'y avait que deux boucliers. Justement, mais... entre ces 5, c'est peut-être plus intéressant. Parce que du coup, là, c'est forcément sur une épreuve de Bagou ou c'est tout le temps? Pour que selon Bagou, je pense. Il y a le symbole Bagou, donc c'est que sur les épreuves de Bagou. Ok. Bon, c'est bien ça. Qu'est-ce qui serait intéressant de faire du coup? Il en faut au moins un qui a Ilabab, ça a juste un truc à nous dire, à mon avis, elle va pas. Non, je sais pas, il y a peut-être une épreuve derrière. Dans le doute, je vais quand même y mettre Edith. Qui peut faire tout faire. Là, tu peux pas. Pardon, là. Je sais pas pourquoi je vais sur le bleu. Qui a un bon un petit peu partout. Bah, moi, je peux mettre Félix ici parce qu'il a un dé. Ah non, on fait quoi du coup? On fait le casier ou on fait le. On met tout le reste ici? Bah du coup, vu qu'on va quand même tester, j'irai faire le casier et le mec. Bah moi j'en ai qu'un cas de l'adresse, de toute façon. Ouais. Guillaume, il n'y a pas grand-chose dans l'adresse, en fait. L'autre, je vais venir avec toi ici. Hein. Ouais, allez. Donc limite, celui-là, vu qu'il n'a pas besoin d'adresse, là, logique, bah, a priori. Oui, le ponton jaune. Mmh. Oui. Ouais, mais là, on sait pas, elle va juste nous parler, à la limite, il n'y a pas besoin. Pour parler, normalement, il n'y a pas besoin d'adresse. Ah, c'est qui bouge le vert? Ouais, hein, je pense que tu devrais bouger le verre et venir faire des jets d'adresse ici. Et moi j'ai deux de Bagou là-bas. Ouais. Et s'il y a peut-être un câble, je peux taper. Limite, je ferais même ça au cas où qu'il nous tape, je sais pas. Oui. Et le deuxième, tu le mets au dortoir. Et le mets, ouais. De toute façon, on peut finir la partie sur le dortoir, on peut se dire, quand on revient, on a vraiment fini ici aussi. Mmh. Ouais. Tu vois, c'est que 4 unités donc. Ouais. Si vous changez de lieu, vous allez perdre un truc. Oui, on sait pas, ouais, donc du coup, autant. Pas grand chose si vous changez de lieu. Donc autant bourriner ici. Et... Ouais. Donc c'est le vert en premier. Voilà. Et bah voilà. Suffisait de demander, bordel de merde. Vas-y. Elle est pour les autres, je pense. Ah ouais. Non, il ne peut pas tomber. Bon, c'est bon signe. C'était... pas de conneries. Il nous donne quoi? Il nous donne quoi? Oh, il te met direct dans le nouveau lieu. Aussitôt délivré, il te fixe du regard et il te dit « Mais, c'est vous, c'est vous! Vous êtes mes bourreaux! Ce sont ceux qui m'ont enfermé ici, pour que j'y crève !» Et il se jette sur toi. C'est nous qu'on a fait ça? Bah vas-y, tu peux le foutre sur la gueule maintenant. C'est une épreuve de force. Donc tu as 3D. Avec ouais. Un cadenas. Donc tu ne peux pas partir tant que tu n'as pas fini. Et là par contre c'est des têtes de mort. Hein. Il y a 3 têtes de mort. Donc si je prends une tête de mort je perds... Donc t'as combien... c'est avec le verre, donc t'as combien de têtes de mort là? 2. Donc oui, deux. Déjà si tu... Donc là de base tu perds un PV si tu fais pas de réussite. Ok. 3 têtes de mort pour 2 tu vas perdre un PV. Donc il faut au moins que tu fasses un crâne et t'es sauvé. Donc il faut pas que tu fasses de crâne et que tu fasses une réussite. Pour pas perdre de vie. Au moins une réussite. Donc c'est de la force, donc ouais, t'as 3D. Bon, c'est bon. Deux réussites. Tempête 2. Donc là, il peut plus te faire de mal. Pour l'instant. Si... ouais, sur ce tour-là. Donc ça, ce sera pour après. Ensuite, on passe au rose. Ouais. Voilà, le rose, il a un D. Donc ça, c'est les... toujours comme ça. 0. Et par contre, il prend un jeton de stress. Ah non, c'est de l'adresse, c'est pas de l'attaque. Non. Ouais, c'est sur le jeton de force. Hein, ouais. Donc moi, je me suis chien. Ça passe au vert? Ah non, au bleu. Bleu. Bleu, pardon. Pareil. T'as deux. T'es où le chien? Tu vois. On est vraiment nul, hein. Voilà, et le jaune. Du coup, de toute façon, on va vraiment finir notre tour ici. Ouais, non, du coup... Faisons vite, hein. Je sais ce qu'il va venir de vous. Le docteur est devenu fou. J'en veux pour preuve cette lettre que j'ai trouvée. Le docteur Hyacinthe? Oui. Ah, on a bien fait de pas aller la voir. Et Joséphine n'est pas mieux, c'est l'infirmière. Ouais. Joséphine. D'accord. Oui, donc on a bien fait de pas y aller. Quoi qu'il en soit, je préfère vous savoir dehors que mort. Il existe un passage dans les catacombes, rejoignez-le et fuyez dès que possible. Elle s'en va assez bouleversée. Donc elle nous dit de nous casser dans les catacombes, alors que les autres, depuis le début, ils nous parlent de Minotaur. Tu veux jouer le chat? Manticore. De Manticore. De Manticore, oui. Je sais pas ce que j'ai dit. Minotaur. Tor. Tu as l'entrée des catacombes en plus. Oui, d'accord. Tu as donné une lettre. Donc je vais te lire la lettre. Le 12 février 1921. Cher professeur, j'ai réussi à rassembler les éléments indispensables à la réussite de notre projet. Afin d'opérer dans la plus grande discrétion, j'ai identifié 5 patients qui devraient nous permettre de remplir les conditions nécessaires à notre dessein. Donc les 5 patients, je suppose, qui ont disparu dans le journal. La crypte est accessible par le... le... ça finit en que. Q-E, le mot. Donc je suppose qu'on n'a pas accès encore aux catacombes. Vous avez l'entrée des catacombes pour l'instant. On peut y aller ou pas? Ah oui, oui, oui, c'est un lieu, vous pourriez y aller. D'accord, donc entrée des catacombes par un queue. C'est le mot finit par un queue, tu vois, montre, il y a une grosse tache d'encre. Donc il n'y a pas de... j'ai pas lu la fin encore. Pour plus de rapidité, j'ai trouvé un passage qui permet de rejoindre le parc depuis mon bureau. Attendez-les là-bas pour les mener à bon port. Le grand jour est proche. Ok, donc du bureau de Dr Hyacinthe, on peut directement aller dans le parc. Le parc, il est pas en vue. Ok. Ah. Je vais aller là. Non, c'est bon, tu es. Ah oui, non, c'est elle nous parle pas des catacombes, elle nous parle de la crypte qui est dans le parc. Hein? Donc dans le parc, derrière la promenade, on n'a pas accès encore. Donc du docteur du cabinet, on peut aller là. Ok. De toute façon, oui, là, moi je suis encore obligé de rester ici. Ouais, mais de toute façon, il faut, on va essayer de péter les casiers aussi. Ouais. Promenade. Dortoir. Donc attends, c'est bon. Noter. Crypte. De toute façon, oui, non. Est-ce que tu la gardes dans la tête ? Dans le parc. Accessible. Depuis le docteur Hyacinthe. Ben voilà. Donc du coup, on recommence. Cassé. Attends, parce que... Là, on a fait tous, donc on perd un point. Hop, regardez un truc, le vert. C'est pas chaud. Mais c'est une chose. On va voir ce que l'on fera après. Boum, boum, 4. Nickel. On peut pas enlever 4 ici aussi. Et l'autre, elle en avait rien à foutre qu'on se foute sur la gueule. Qui ça ? Celle qui est partie là. Joséphine. Elle est déjà partie. Hein. Je t'ai donné la lettre. Elle va vous sauver, puis c'est tout. Ensuite, le rose. Il se passe rien. Hein. Tu l'as laté et voilà. Ouais. Ça, c'est du bien. Un de moins que 4. Le bleu. Ça marche tellement souvent cette phrase. Un de moins que 4. C'est une phrase du film Cube. J'ai pas vu. Au début, il y a le premier qui meurt, il y en a un, il est assis par terre, il est en train de déprimer et tout, il dit un de moins plus que 4. Pour ça, à chaque fois, il le sent. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Souvent, ça marche quand même. Presque. Ok. Bon. Bah, on refait. Ensuite, c'est bon, en fait, vous avez tout joué là. Ouais. Bah, écoute, on bouge. Et puis, on refait. Alors, attends, parce que. Le vert, il a bougé. Le vert a bougé, donc il y a fait son action. Le jaune, il reste là ? Bah, le jaune, on s'en fout de toute façon. Okay. C'est qui ? C'est le vert qui commence. Non, il a bougé. C'est le rose. Voilà. Le bleu, du coup, c'est au bleu. Allez. 3D ? Non, 2D. Pardon, oui. L'habitude. Ouh ! C'est pas mal, ça. Il n'en reste plus qu'un. Ça va, on a le temps de le péter. On avance, parce qu'on a tout joué. Ouais. Donc là, on lâche un truc. C'est le vert. On aura peut-être le temps de se déplacer dans un autre lieu. Oui, mais... Oui. De voir peut-être. Ce qu'il y a dedans. Oui, si on arrive à faire un. Oui. Ouais, c'est peut-être un, ouais. Non. Le rose. Non. Plus. Ouais, le bleu. Le bleu. Allez, le bleu. Allez, Marie. Wouhou. Ouais. Change en pause. Comme le week-end. Ça aurait été compliqué, hein. On avait quoi? Des trucs qu'on garde pour la partie d'après. Donc c'est pour le bleu, hein. Donc un rubis. Non, mais vous pouvez prendre des notes. Hein. Oui. Un rubis factice trouvé dans le dortoir. D'accord. Dans le dortoir, nous avons trouvé un bout de papier avec le symbole griffonné. En voici la retranscription. Du coup, ça, on peut le noter, nous. Toi, on va prendre une photo. Bah, enfin, si vous voulez refaire une partie après, direct. Bah oui. Je vous le mets là, alors. Il est 14h. Codex, hop. Ok. Et le rubis, c'est important. Je ne sais pas s'il est factice. Trouvé dans le dortoir. On peut le mettre dans le codex aussi, mais on est limité. Ah non, mais le codex, il sert pas à grand chose en fait. Là, c'est une histoire de. Le codex, il sert pour le deuxième scénario en fait. D'accord. Le rubis, vous allez pas le garder. Hein. Non. Oui. Ça non plus, normalement. Hein. Je vous laisse là parce que c'est fin. Vous pouvez le redessiner si vous voulez en fait. Bah, je prends en photo aussi. Hein. Tu peux. Je suis un terne high-tech. Comme ça je l'ai. C'est J-H-E-E-Z-R-E-T-I 5. 8. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Je pense qu'on bouge. Oui, on peut essayer de bouger de toute façon. On peut aller voir le. On peut aller dans la cuisine. Ouais. La cuisine, on l'a pas fait, voir à quoi ça ressemble. Un lance le dé déjà. Ouais. Boum, 2. Ok. Ouais, je laisse passer pour cette fois, c'est votre première mission. Donc c'est Bob, du coup, qui vous accueille. Parce que... On est bien sur le moment. Vous êtes retourné. Vous êtes retourné dans la base, du coup. Hein. Et donc, directement à zéro. Ah ouais, bah ouais. Je pensais que c'était à celui-là en fait. Il vous dit, ouais, je laisse passer pour cette fois, je laisse passer, c'est votre première mission, et il faut, semble-t-il, toujours un temps d'adaptation. Mais pour la suite, il faut vous appliquer, les gars. C'est pas seulement votre grade qui est en jeu, c'est aussi ma réputation. Allez, on y retourne. Ne lambinez pas et mettez un peu les neurones à contribution. Vous êtes encore jeune. Donc ça, c'est parce qu'on a... On n'a pas terminé... Ouais. C'est une mission ratée à cause des unités de temps. D'accord. Ah oui, donc c'est le truc qu'on a toujours, quoi. On est obligé d'avoir tout le temps. La première fois, c'est obligé que tu le rates. Donc, pour votre prochaine run, sachez que l'attribution de votre grade dépend directement de vos performances. Donc en gros, quand tu finis le scénar, en fonction de ta performance, tu as plus ou moins de bonus pour la suite, en fait. Entre niveau 1 où t'es pas très très bon, et niveau 5 où t'es bon. Ouais. Nous, on a fait niveau 2. On a fini. Parce qu'on a fait de la merde. Vous pouvez laisser les éléments estampillés de ce symbole, donc vous allez garder ces deux cartes, mais tout le reste est retiré, tout est réinitialisé. Ok. Alors, donnez-moi l'élément 2, 3, 4, 5. 5.